Voici le commentaire de l'Agence télégraphique centrale de Corée, nouveau complot des bellicistes qui indique notamment. Ces derniers jours, les États-Unis s'adonnent à la mise de scénario d'un nouveau complot contre notre République. Ils ont poussé le rassemblement américain pour la liberté de la Corée du Nord, le meeting sud-coréen des familles des kidnappés du Nord et autres formations conspiratrices a déclaré que l'étudiant américain disparu en Chine il y a 2 ans semble être kidnappé en Corée du Nord. Parallèlement aux préparatifs du commencement du mouvement de signature d'Internet exigeant l'adoption au Parlement du projet de résolution intéressé, la presse occidentale a fait courir le faux bruit que des centaines de disparus américains sont emprisonnés en Corée du Nord en parlant du dossier confidentiel obtenu d'une base d'archives du Centre de renseignement national des États-Unis. Le complot psychologique insensé américain, au moment où la situation dans l'impasse coréenne se précipite au seuil de la guerre, vise à se procurer du prétexte nécessaire au déclenchement de la guerre d'agression. Notre dernier essai d'explosion de l'ogive nucléaire est une partie de la mesure de riposte réelle contre les menaces et sanctions des États-Unis et des autres forces hostiles qui accusent scélératement l'exercice de notre droit autodéfensif en refusant obstinément notre position stratégique de digne détenteur nucléaire. Si les ennemis osent nous provoquer, nous sommes toujours prêts à y faire face.